une poupée céleste à l'œil sculpté danse au fil de l'eau. Des violes de valses couleurs égrènent notes subtiles en lévitation pour l'éternel sourire. Pierre, à quelques pas des anges, pour l'éternel sourire, les pleurs secrets. Pierre, d'ombres ancêtres, en lévitation pour le jeu des bannières, à quelques pas des anges. Sonnent les heures superbes au diapason cristal. L'orgueil d'un bijou forgé doucement nourrit les signes amis sous les ailes messagères d'un goéland.